Depuis d'être ta dame, au quartier, tu trahis, ça te nique ta grâce. J'suis en fumée comme dans Homeway. J'ai pas le time, baby, box life. Oh my dog, why? Que t'as menti, tu vis ta bien les fosses. Tu fais le mec ghetto, c'est pas conduire un cross. Tu fais le mec plein, il est pour ton boss. Tu fais pas le gros shit quand tu tombes sur un os. Oui, j'veux des tâches, quoi, en évitant les casse. Toi, on tient la sacoche casse, quoi. Évite le CV casse, oui, il pleut des balles basse. Oui, tu prends la masse, quoi. Oui, on se connaît bien, mais attention, si tu me casse, quoi. Trop bon, on a tout ce qu'on mérite. Faut rester fort, mais pas possible. Si on s'évite, si on calcule plus depuis que t'en t'es lu. Ça sort la galache pour un oui, pour un non. Parce qu'il aurait été fait ou que t'as tourné un non. Un jour ou l'autre, il tombe le masque et nous pendant tous dans notre prôné pour un m'envoler. On va rire sous les étoiles. Et désolé, j'avance si je mets les poils. Et m'envoler, on va rire sous les étoiles. Et désolé, j'avance si je mets les poils. Eh ouais, poto, on te connaît. Pour tirer sur là, tu mets de la machonnée. Oui, faut te cramponner, attention si devant chez toi tiens qu'un bois en train de stationner. Je fais le tour de ma ville avec les vitaines, prends des vis, c'est fait que les peintures. Mes potes autour de moi veulent finir blender, cagouler, frère, faire le fourgon blender. Arrête de croire que t'es un gang mignon, au code de tes potes pour toi un sentiment. Je parcours le rap comme Valentino, et qu'est-ce que je serai dans 10 ans. Laisse-moi, je suis pas plus, je refuse les interviews. Je fais même pas la promo de mon CD, même mes problèmes faut que succéder. Le quartier change trop, c'est plus que c'est. Et m'envoler, on va rire sous les étoiles. Et désolé d'avance si je mets les poils. Depuis d'état d'âme au quartier, tu trahis, ça te nique ta grâce. Depuis d'état d'âme au quartier, tu trahis, ça te nique ta grâce. Même leur malheur, ils se refusent pas un selfie. J'ai ta droite, tu travailles une selfie. T'es bonne, mais moi, je te veux qu'une seule nuit. Je profite parce qu'on a qu'une seule vie. Et c'est ce que toi la haine et la paresse. Bébé, ça me fait pleurer quand tu me caresses. Tant demain, je meurs, tant demain, tout s'arrête. Pas envie de partir d'ici comme Paul Nare. Je m'en rends mon pétard, ma ganette. Ce que je vis, putain, c'est pas net. J'y tourne la sous, je vous baisse à tous. On nettoie pas les reins avec des larmes factices. Tous déçus par l'amour, alors on craque tous. Depuis, j'ai le cœur piquant comme un cactus. Ramène ta mif, foute-moi, je l'agace. Ramène ta mif, foute-moi, je l'agace. Ramène ta mif, foute-moi, je l'agace. Je lui insulte sa mère, puis elle m'agace. Je me la fête pas, moi, je fais pas le boss. Elle, elle fait la gosse, elle va boire la tasse. Accroché au rien, le rap, c'est ma cause. Bonne de pétasse, oh. C'est m'envoler, on dormir sous les étoiles. Et désolé.